Yves Saint Laurent, tu as mon 43, la ceinture à fort, tu as mon 44. Ils ont vu les cendres, moi j'ai vu les flammes. T'as plus de sais que je monte comme le 44. Intelligent, frigo V, on a grandi sans fric, la boule au ventre, stylo pic, j'embrasse un chèque, j'ai pris son brick, c'est le métier qui rentre. J'suis sur le toit, tu sais qu'on s'enlise. Je lève un doigt à maman dans les tourments. Tu parles de moi, moi je te souhaite juste de pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Sky dans un mug, j'ai déjeuné, Yas bien trop grosse pour entrer dans la poche. Tu joues les thugs, on est en 2015. Tony ici, il tiendrait la sacoche. Quand ça m'offert, j'ai mon caractère organisé, je vois mes potos qui luttent. T'es content hier, je n'étais rien, je suis consultant, c'est 5000 pour 30 minutes. Fais l'état, j'ai la végétale, je vis dans un film, sur le corps j'ai des fissures. Pouton même, ta drogue est synthétique, tu m'envoies des pics, pédé, je vais t'asseoir dessus. Pas sympa depuis le placenta, tu sens mon index depuis mardi gras. Oui, je pèse la plus bonne, tu crois que c'est un fake, elle est à 20h dans mon agenda. Mac noyé dans son bas du dos, on t'a noyé, tu perds ta vie sur un plat. Moyennant quelques euros, j'ai que j'aurais pas de thé sur un plat. Plus je fume, plus je m'enfonce dans le fauteuil. J't'ai cousu sur mon cœur, pute comme Daniel Auteuil. Je l'ai arraché revenir, plutôt crevé d'orgueil. J'suis parti en guerre, j'ai perdu des potes. Le temps d'un soupir, je revois mes souvenirs. Mais j'ai pas fait mon deuil. Elle vient sur ma vie, elle me félicite. Pour ma monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. J'suis sur tous les rats, j'suis sur tous les dits. Tu nous connais, connais, connais, connais. J'remonte ma braguette, j'rabaisse mes billes. Sèche tes brûlés, brûlés, brûlés, brûlés. J'suis né au Morphée, use pas de la cocaïne. J'suis là dans ton état. J'ai plus d'euros que d'abonnés, c'est violent. Plus d'ennemis que d'abonnés, tu croyais en nous. Plus ça m'abonnait, mais tu voyais flou. Là, fils de quitter l'hexagone, tric plein les valises. Mourir, y voir à la place des canines. Il fallait, il fallait. Peut-être que sort un calibre, ça veut dire surveille ton nom. J'tourne de la veille à l'homme. Plus je fume, plus je m'enfonce dans le fauteuil. J't'ai cousu sur mon cœur, pute comme Daniel Auteuil. Je l'ai arraché revenir, plutôt crevé d'orgueil. J'suis parti en guerre, j'ai perdu des potes. Le temps d'un soupir, je revois mes souvenirs. Mais j'ai pas fait mon rêve. Elle vient sur ma vie, elle me félicite. Pour ma monnaie, monnaie, monnaie, monnaie. J'suis sur tous les rats, j'suis sur tous les sites. Tu nous connais, connais, connais, connais. J'remonte ma braguette, j'rabaisse les billets. Sèche tes brûlés, brûlés, brûlés, brûlés. J'suis né au Morphée, use-moi de la cocaïne. J'suis là dans ton état.